N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Salut à tous et bienvenue dans ce Ciné Dimanche un peu spécial, puisqu'il va venir clore notre première saison. Et aujourd'hui, on va le faire dans les conditions du direct, donc avec moi, enfin en face de moi, via écran, j'ai le corbeau. Salut à tous. Salut le corbeau. Salut. Ça va bien ? Ah bah toujours le plus heureux du monde, c'est connu. Oui, c'est vrai, tu respires toujours le plaisir, le bonheur et la joie de vivre. C'est ça. Voilà, d'ailleurs l'autre jour j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de toi, il m'a dit exactement la même chose, le bonheur et la joie de vivre incarné. Mais voilà, tu vois, comme ChatGPT est vraiment un outil parfait. Le truc, il est déjà baisé. Enfin bon, bref. Donc, ce soir, petit menu spécial, on va encore parler de 4 films, comme d'habitude. Entrée, plat, dessert, Dijon. En entrée, le dernier des Templiers, c'est moi qui régale. En plat principal, c'est le corbeau qui va régaler avec The Hunt. Au dessert, un Sinbad, voire deux, pour les gourmands. Et au Dijon, une retraite d'enfer et Nicolas Cage. Et là, c'est moi qui reviens. Donc ça, c'est notre petit menu. Petit retour vite fait sur la saison. Écoute, on a eu pas mal de bons retours. Je sais pas si t'en as entendu le corbeau ou si t'en as vu passer à gauche à droite. Non, pas du tout, pas de retour. Mais en même temps, je me moque complètement de ce que les gens pensent. Je fais ça pour mon unique plaisir. Donc, c'est vrai. Bon, bah, moi aussi, je fais aussi ça pour mon plaisir. Mais quand de temps en temps, j'ai Jazz ou Seb qui viennent me dire « Oh, j'ai bien aimé ce que t'as dit sur tel film ou sur tel autre », bon, écoute, ça fait toujours plaisir. Ah ben moi il me contacte jamais, mais parce que tout le monde sait que Jazz est un salaud, voilà. il parle de toi dans leurs émissions. Oui, je sais, pour dire du mal. Ils ont pensé qu'ils pourraient te faire boire de l'alcool. Ah, ils y arriveront jamais. Bah non, je leur ai dit, c'est mort. Mais je crois qu'ils vont te contacter bientôt. Hein. Oui, ils m'ont contacté. Ah ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et ouais, donc je ne sais pas s'ils m'ont contacté pour la même chose que tu penses ou si c'est pour complètement autre chose. Non, c'est bien pour ce que je pense. D'accord. J'ai eu des infos hier par Seb. Ouais. Et donc oui, si on a quelques retours sur ça, donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt agréable et nous, ça nous plaît bien. Enfin, moi, ça me plaît, on va continuer l'année prochaine. Moi, ce format, il me convient, je peux faire ça... Sans trop me casser la tête, ça, juste le temps qu'il faut pour le faire et c'est toujours agréable. Je me les écoute chaque dimanche quand ils sont postés le dimanche. Je me comprends. Il y a eu quelques fois où Internet Archive a un petit peu merdouillé. J'ai pu les poster que le mardi ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave. Mais en général, c'est comme pour l'émission de Seb et Jazz. Quand je suis obligé de faire du jardinage. Ce qui arrive beaucoup trop souvent avec l'été. Je me mets ça dans les oreilles. Il y a notre émission, on va dire ça, et le podcast de Seb Jazz et puis aussi Peggy 18. Hein, en ce moment, j'en ai plein. En fait, une fois que j'ai vidé complètement la playlist, je passe aux autres. Hein. C'est que voilà. T'as fait un bon jardin déjà parce que Seb et Jazz, ils fournissent et Peggy 18 aussi quand même. Oui. Épisodes de 10 minutes. Oui, c'est bon. Bah, ça me fait une bonne après-midi de jardinage. En général, c'est plutôt bien. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, bah écoute, impeccable. Et je te propose qu'on commence. Donc, je vais servir l'entrée et puis on en parle un peu après. Allez, un petit Nicolas Cage de Derrière les Fagots. Gros bonus, c'est un film fantastique. Il y a Ron Perlman en second rôle de luxe et Nick a une perruque blonde merveilleuse. C'est pas toi qui me contredire sur ce sujet. Le film commence très très bien avec Nick et Ron qui font un concours de tub durant plusieurs batailles où ils s'illustrent particulièrement. Il en ferait mourir de honte Léonidas et ses Spartiates. Et puis tout d'un coup, Nick, il en a marre de tuer des femmes et des enfants. Alors ils prennent leur clic, leur claque et ils se tirent ailleurs, comme dirait... Ah merde, c'est pas McFly qui le dit d'ailleurs. Biff Tannen, ils se tirent ailleurs. Voilà, quand on est en direct, je me loupe. Pas de bol, leur chemin passe par une cité ravagée par la peste où ils sont reconnus comme déserteurs et en échange de leur liberté, ils doivent amener une sorcière jusqu'à l'endroit où elle doit être jugée. On va pas la dire vite fait, on va pas faire un cours d'histoire, mais les procès de sorcières, à l'époque, c'était plutôt pragmatique et efficace que celui des fumiers qui nous gouvernent. T'es pendu, puis noyé, et si tu survives, t'es coupable et brûlé vif. Si t'es mort, pas de bol, c'était une erreur. Simple, imparable. Forcément, la dite sorcière n'est pas pressée de finir en méchoui, et le chemin sera semé d'embûches pour nos héros en proie au doute. Ils vont même nous faire un remake moyenâgeux de la scène culte du salaire de la peur. Bon, en soi, on est d'accord, c'est pas un très bon film, c'est souvent trop sombre, l'action est brouillonne, la musique générique et les rebondissements téléphonés. Nicolas Cage semble y croire un peu, Ron Perlman s'amuse clairement, et le reste du cast est constipé. Ça se prend beaucoup trop au sérieux, mais ça reste un minimum efficace. J'ai pas trop eu le temps de m'ennuyer, et dans l'ensemble, j'ai quand même un petit peu rigolé. C'est pas si mal, finalement, pour un Cage mineur, et c'était même plus intéressant que le film dont on parlera à la fin. Voilà, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça se laisse voir. Alors, comme tu dis, un Cage mineur, hein, pas, voilà, on va pas s'en réveiller la nuit, hein, quand même. C'est pas Willy's Wonderland, on est d'accord. Oui, moi j'aurais dit que c'était pas El Driver, mais bon, chacun ses références. Hein. Chacun ses déviances, écoute, on ne juge pas ici. Personne ne juge, voilà. Et oui, ça se laisse voir. Bah, l'histoire, est pas mal. Il y a quand même un petit peu de budget, hein, donc ça fait pas trop, Moyen-Âge, en carton pâte. C'est pas trop cheap. Même les effets numériques pour les histoires de la sorcière, etc. Ouais, voilà, il y a rien de. La fin, ça vieillit, on va dire. On va dire que ça vieillit. Ça a vieilli, mais bon, vu le moment où le film a été tourné, voilà, ça s'excuse légèrement, quoi. Mais bon, ça prouve toujours que les CGI, si t'as pas fait quelque chose de propre, ou vraiment que t'as mis les sous, et puis t'as laissé du temps à des bons techniciens de faire le boulot, bah voilà, au bout d'un moment, avec le temps qui passe, ça fait les petits pansements finissent par se décoller, et tu vois un petit peu la merde en dessous. Voilà. Ouais. C'est pas honteux. Hein, j'ai déjà vu pire, hein, et de loin. Hein, donc, mais même avec Nicolas Cage, on a déjà vu pire, effectivement. Il est en plus feignant en ce moment. Ouais. Hein, c'est faut payer les impôts, mais au bout d'un moment, il commence à peut-être tirer un peu de la patte. Hein, c'est pas facile. Hein. Tu m'étonnes. Et donc, le film est plutôt bien. En plus, bon, on a quand même un beau duo. Hein. On a Ron Perlman et Nicolas Cage. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Moi, Ron Perlman, je l'aime plutôt bien. Hein. Moi aussi. Moi, quand je vois, je suis content. Hein. Je suis content de le voir. Lui aussi. Hein. C'est un mec. C'est quand il est dans un film, il y va à fond. Quoi. Tu sens, même si tu l'as payé un paquet de bière et des cacahuètes, il y va. Il bosse. Puis il a quand même une bonne gueule, je faut admettre que les tronches au cinéma, moi, au fur et à mesure, je trouve que ça finit par disparaître tout doucement, et c'est un peu dommage. C'est vrai que Ron Perlman, il a une bonne tronche, il dégage un capital sympathie assez conséquent, quand même assez intéressant, parce que depuis qu'on le voit au Cinoche, en fait, depuis on l'a un peu remarqué, il dégage quelque chose de sympa. Ouais, le nom de la rose. Il fait très sympathique dans le nom de la rose, évidemment. Oui, mais non, dans le nom de... avant le nom de la rose. La guerre du feu, c'était lui, la guerre du feu. C'était lui aussi, ouais. Je crois que je me trompe pas. La guerre du feu. Non, je crois que t'as raison, je crois qu'il est aussi dans la guerre du feu. Bon, très très maquillé, quoi, mais voilà, l'allure générale. Après, on a surtout Hellboy qui a commencé à le mettre en héros positif, on va dire, plutôt qu'en personnage un peu ambigu. Mais il a quand même, je dois admettre que l'acteur, même si c'est vrai qu'il nous. Quand il fait un méchant ou un gentil, il nous fait toujours un peu les mêmes persos. Mais quand il est méchant, il peut être sacrément inquiétant. Et quand il est gentil, il a toujours ce côté un peu sympathique, un petit peu, comment dire, un petit peu roublard, tu sais. Comme là, dans le dernier des Templiers, c'est le mec, il est. T'as Nicolas Cage, un peu droit dans ses bottes, un peu très porté sur la foi, etc. Et l'autre qui est un peu plus rigoleur, qui va picoler, voir les putes, quoi. C'est vraiment ce qui porte sur lui. C'est ça. Et vraiment, Ron Perlman, c'est pour moi, c'est quelque chose qui peut me dire « Ah, je vais peut-être regarder ce film, il y a Ron Perlman dedans, je vais peut-être jeter un œil, même si je zappe à la télé, quoi. » Tu dis « Ah, alors, Ron Perlman, oh, on va peut-être jeter un œil. » Alors des fois, tu dis « Oula, une fois de plus, c'était une erreur, mais malgré tout, voilà, on l'aime bien. » Avec lui, c'est plutôt rare. Je crois qu'il était aussi dans Drive. Quand il joue les méchants comme dans Drive, ça marche très très bien. Il est vraiment impressionnant physiquement. Ou dans The Baker, il arrive à être impressionnant physiquement, même si le film est assez moyen. Ouais. Lui, t'y crois. T'as pas trop de doute sur le fait qu'il peut soulever un mec et le tabasser à main nue. Oui, le mec, pour son âge, parce que je sais pas qu'il agit là. Mais oui, il est pas tout jeune, hein, mais physiquement, c'est un beau bébé quand même. Oui, tu sens qu'il y a encore de la viande après l'os, quoi. Il est bien. Une bonne prestance physique, quoi. Le genre de gars, quand il rentre dans un coin de l'écran, voilà, il te bouffe la péloche, il est là. C'est une bonne gueule de cinoche, quoi. C'est ça, il faut vraiment mettre des mecs comme ça en face de Nicolas Cage pour que le film tienne et que le mec se fasse pas bouffer, parce que quand tu mets un peu, allez, on va dire un peu plus transparent pour être sympa, ça devient compliqué. Fallot, oui, quelqu'un un peu fallot, un peu faible. C'est vrai que Nicolas Cage, lui, il y va toujours à fond. Hein. Tu te dis, putain, il aussi, tu le payes 1 million ou tu le payes 30 000 dollars, ça y est. C'est pas grave, il est là pour bosser, il va le faire. Et par contre, pour ça, il a tout mon respect, hein, parce que je trouve que c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de plutôt correct. C'est pas Michael Madsen, quoi. Voilà. Ouais, alors Michael Madsen, je sais pas si c'est pas l'exemple que j'aurais pris en premier, mais il y en a d'autres, on voit bien, qui viennent juste pour payer, qui se font chier quand ils sont sur un tournage. Bon, bah Michael Madsen, il est bourré H24, quoi. Et puis, quel que soit. Alors, à mon avis, il doit plutôt tourner pour des centaines de milliers de dollars. Ouais, hein, mon avis. Quand tu le vois dans des. Un truc avec des requins, des sous-marins, tu le vois 10 minutes dedans, mais. Oui, oui. Il a fait son apparition, il prend son chèque, il prend même plus la peine de dessouler ou d'avoir appris son. D'avoir appris ses galopes. Sous, quand tu vas là-dedans, c'est pas possible, sinon. Fait semblant que l'hybride Anaconda Piranha te saute dessus. Vous êtes sérieux, les gars? Ah, c'est vrai que boire, ça peut aider. Voilà. Ouais, bois une petite bouteille, tu te le représenteras mieux. Ah bah oui, maintenant que tu le dis. Mais non, c'est vrai que sur ce dernier des Templiers, finalement, il n'y a pas de honte spécifique. C'est vrai que le truc se suit. Il y a quand même pas mal de rebondissements. Bah, j'aime bien la scène, façon le salaire de la peur. Ça m'a fait rire. Ouais, c'était ouais. Peut-être pas le but, mais ils vont pas oser, mais si. Si, ils l'ont fait avec un chariot et des chevaux. Bah pourquoi pas. Hein, ouais, c'est... pourquoi pas, ça marche. Non, le film c'est honnête. Ça reste vraiment un truc que tu peux regarder sans trop te prendre la tête. C'est une production honnête et puis ça passe bien. Voilà. Ouais, ça passe. Il y a même un petit côté où. On se demande vraiment si la sorcière est vraiment une sorcière ou pas une sorcière. On a quand même un doute pendant une bonne partie du film. C'est pas éventé trop vite. C'est vrai. Puis l'actrice est quand même en plus assez mignonne, assez jolie. Et on passe d'un... Oui, dire... ça va bien. J'aime bien. Et puis elle réussit quand même malgré tout à être inquiétante. Tu vois, justement, ouais, il y a des phases justement où ça marche. Ouais, c'est pas trop mal joué même pour elle aussi. Donc franchement, globalement, ça reste une péloche largement recommandable. Tout à fait, c'est une bonne entrée en matière, on va dire. C'est ça. Là, pour ce soir, on est pas mal. Bah écoute, je te propose de passer à la suite, je te laisse amener le plat de résistance. The Hunt, hein, donc qui est un film américain de 2020, réalisé par Craig Zobel, avec un Z comme Zob. Et voilà, désolé, c'était trop tentant. On voit que t'as pas écrit ta chronique avec un Z comme Zob. Voilà, c'est ça. Je suis un artiste, monsieur. Je n'apprends pas mes textes, je les vis. Voilà. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, ça s'appelle La Chasse. Bon, tu vois, au Québec, hein, ils ne sont pas fatigués, hein, comme d'habitude. Oui, ouais. Donc, c'est un thriller. En fait, c'est un éternel chasse du comte Zaroff, quoi. Il y a quelques gugus qui sont balancés. Oui, chasse du comte Zaroff et la chasse de Hunt, oui, effectivement. Ouais. Non, mais pas que ça. Non, mais on en parlera juste après. Je te laisse finir. Donc, des inconnus sont balancés au milieu d'une petite prairie et ils se rendent bien vite compte que ils sont le gibier. C'est-à-dire que. De riches Américains ont décidé, alors c'est ça un petit peu la finesse entre parenthèses, hein, avec de gros guillemets, hein, je l'ai fait là à l'écran, hein. C'est là la finesse du scénario, que en fait ce sont des gens riches qui se mettent à chasser des gens qui ne partagent pas leurs opinions. C'est une grosse finesse. Ouais, des pauvres, mais aussi des pauvres qui se situent à droite, voire à l'extrême droite sur l'échiquier politique, alors que eux sont des démocrates et des gens de gauche, bon teint et plein de bonnes intentions. Très à gauche, oui. Enfin, très très à gauche, le fait de buter son prochain. Dans leur parole, dans leur pensée, tout ça, ils sont. Voilà, la façon d'être, etc. Voilà, ça serait un petit peu, si je voulais schématiser outrageusement, hein, c'est un petit peu. Les woke qui rencontrent les nazis, quoi, et voilà. C'est un peu ça, et cette fois, c'est les woke qui ont les fusils. Et c'est les woke qui ont les fusils, quoi. Et malgré tout, donc, je crois qu'il y a une douzaine de... Si je me rappelle bien, il y a une douzaine de... Oui, pas d'une douzaine au début, mais t'en as un qui se fait déjà flinguer dans l'avion, donc ils en libèrent que 11. Ça va très très vite, hein. Ça descend très très vite. Je faisais le compte sur mes doigts au début, je dis « Oh putain !» Mais oui, au départ, plus, ça... dans 10 minutes, il y en a plus. C'est ça, au départ, il y a un bel abattage, quoi. Et en fait, au milieu de tout ça, c'est le départ. Oui. En plus, ce qui est plutôt rigolo, c'est que parmi les victimes, on a des personnes comme Emma Roberts qui apparaît. La petite jeune avec un pantalon de yoga, c'est Emma Roberts. Je ne l'ai pas reconnue la première fois que je l'ai vue. Bah, jeune, pantalon de yoga, oui, Emma Roberts, c'est vrai. Ben voilà, donc ben je ne l'avais pas reconnue à l'époque. Peut-être que je ne connaissais pas vraiment Emma Roberts à l'époque, c'est possible aussi. Donc, qui se fait flinguer. Après, tu vois plein de jeunes. De potentiels héros, en fait. De potentiels héros. À chaque fois, tu dis, ah, lui, il va s'en sortir. Et en fait, ils se font flinguer, flinguer voire pire. Hein, Oui, oui, trucider. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Emma Roberts au début, j'ai dit, oh putain, ça va être elle. Et ça commençait déjà à me gonfler. Alors, c'est vrai que le plaisir de l'avoir bâillonné, c'était déjà pas mal. Mais j'ai quand même, après, ça coltinait tout le film. Et là, flanf. Oh, bah, ça fait du bien, ça. C'est une belle entrée en matière. Et au milieu de tout ça, on a Crystal May Crisey. Je crois que c'est comme ça que son nom se prononce. Bon, au moins, c'est Crystal quelque chose, oui. Voilà. Betty Gilpin, l'actrice, se révèle être une proie quelque peu difficile. Voilà. Réticente. Réticente à se faire flinguer et plutôt inventive. Voilà. Oui. Et pas. J'allais dire pas naïve, mais ouais, un truc comme ça en tout cas. Pas naïve et plutôt éveillée, quoi. Alors que quand tu vois l'actrice, là, tu vois les premiers plans, tu te dis elle a l'air complètement défoncée ou amorphe. Elle a l'air amorphe. Et en fait. Pas amorphe, elle a l'air dans la lune ou un truc comme ça. Mais, les premières fois que tu la vois, tu dis bon, elle va pas faire 10 minutes. Hein. C'est ça. Et en fait, tu finis par comprendre qu'elle prend bien son temps pour analyser la situation, notamment la scène dans la station-service qui est absolument drôle au possible, quoi, et extrêmement. Et elle surprend tout le monde. Hein. Moi, je dois avouer que c'est une belle entrée en matière. Donc, c'est assez sympa. Et le film se suit très bien. Alors après, honnêtement, je ne sais pas s'ils ont juste utilisé le prétexte politique woke extrême droite pour vendre le film ou s'il y avait derrière une intention du réalisateur, etc. Je pourrais pas le dire. Moi, je lui trouve un certain recul vis-à-vis des personnages, quoi, parce que toutes les personnes d'extrême droite, faut le dire, se font quand même bien, bien dessouder, quoi. Mais en plus, t'as envie qu'ils meurent. Ils sont tellement infernaux. Tu dis, mais crève, putain, crève. Ouais. T'as envie qu'ils meurent. Mais comme tu vois ce qu'ils ont en face, nos libéraux démocrates, t'as envie qu'ils crèvent aussi, parce que c'est quand même une belle bande de pourriture. Et en fait, t'es content que son personnage leur donne autant de fil à retordre, quoi. Et puis, t'es aussi content dans le sens où à la fin, t'as une espèce de twist où tu sais pas si c'est bien elle qu'elle voulait chasser ou pas. C'est ça. C'est un truc auquel tu te raccroches en disant, bon, celle à qui je m'identifie, elle est peut-être pas si pourrie, tu vois. C'est ça. C'est juste une fille qui s'est retrouvée là et finalement, ça va être le méchant grain de sable, quoi. Voilà. Ah oui, le gros, la couille dans le potage. Ouais, je dis grain de sable, c'est un rocher. Hein. Franchement, c'est un rocher parce que putain, alors pourri l'existence, mais quelque chose de. Elle est tue. Bah, t'as une existence pourrie une fois que t'es mort, hein, voilà. Donc. Mais c'est pas faux, mais ça se défend, non, ça se défend bien. Donc, c'est un film qui est très regardable et en plus, format court, hein, je crois qu'il. 1h30, c'est du Blumhouse, hein, donc de toute façon, ça va vite. Hein, c'est là pour des potes. Pour avoir plusieurs séances dans la journée, faut que ça tourne. Mais en même temps, tu sens pas que le film n'est pas rushé à mort. Ah non, il est très bien, le rythme est très bien. Ils n'ont pas tiré à la ligne non plus, vraiment, format parfait, c'est un rythme impeccable, ça y va à fond. Hein, vous verrez la scène finale, entre parenthèses, le combat final, ça se donne bien aussi. Ça se donne bien aussi. Il y a vraiment un moyen de se faire plaisir. Et bien, on parlait tout à l'heure de Seb et Jazz. Eux qui aiment le film de bagarre, on rentre pas vraiment dans les arts martiaux, mais pour de la bonne bagarre, la scène finale, on rentre dans une bonne scène bien sympathique. Ça se fait bien, il y aurait de quoi parler s'ils avaient décidé d'en parler un petit peu. Ouais, ça pourrait marcher. Hein. Voilà, donc moi c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Je pense que toi aussi, tu as l'air d'avoir plutôt. J'ai plutôt apprécié. Alors je dois avouer que moi, il y a un truc qui me chafouine un peu, c'est que j'adore un truc dans les films de chasse à l'homme. Mmh. C'est ce que je dis souvent, c'est la lutte des classes illustrée. Les riches chassent les pauvres. C'est ça. Mais il faut, enfin, pour que ça marche bien, pour moi, il faut que le riche soit vraiment un enfoiré complet. Il faut aller dans la caricature à fond et que le pauvre soit vraiment quelqu'un qui mériterait de vivre. Là, ça m'a un peu chafouiné dans le sens où quand les riches parlaient, tu dis, bah, ils sont pas dénués de sens en fait. Ce qu'ils disent, c'est pas totalement con. Enfin, si on accepte le côté, on va chasser des êtres humains parce qu'ils ont dit qu'on le faisait, alors on va le faire, ça va leur apprendre. Ça, c'est débile. Mais tu dis, bah, je serais plutôt proche de ces gens-là parce que les autres, en fait, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils meurent. Donc, ça marche bizarrement, tu vois, ça te met dans une position où tu dis, ah, c'est con parce que j'aimerais bien que les deux meurent, donc... Alors moi, je mettrais un petit bémol parce que justement, les gens sont plein de bonnes intentions, mais justement, enfin, plein de bonnes intentions. Oui, bah si, c'est exactement gens... le mot. C'est des bonnes intentions. Tu vois, quand c'est ils disent on va chasser machin, oui, mais alors attention, pas celui-là, il est noir, faut qu'on se méfie. Enfin, ça va pas le faire. Bah en plus, c'est assez. Moi, j'y vois justement ce passage-là où, par contre, un de leurs adversaires qui a l'air d'être un mec de droite mais noir, il dit non, lui, on peut pas le prendre parce qu'il est noir. Voilà, déjà la couleur de peau n'a jamais été quelque chose qui pouvait définir la bonté de quelqu'un. Donc ça le mec, non, mais par contre, mec... ils réfléchissent en termes d'image. Ils réfléchissent en termes d'image. Ils sont débiles parce qu'ils réfléchissent en termes d'image pour un truc qu'ils veulent qu'on ne sache pas. Oui. Mais aussi, ils réfléchissent en face d'image vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. C'est ça. Ils se font aussi une haute opinion d'eux-mêmes et de leurs propres opinions en disant nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon, et même l'image qu'ils doivent se renvoyer à eux-mêmes doit être parfaite. Et ça sent quand même la caricature ou aussi bonne critique, ça sent un peu la critique de l'ichemande démocrate, même si en face, c'est vrai qu'ils ont des mecs entre les fans de les incels, les fans de d'armes à feu, les complotistes, etc., etc. Bon, voilà, et les comment dire sur les tous les personnages, le personnage qui s'en sort à la fin, bon, c'est lui qui a l'air le moins pourri ou en tout cas qui a l'air vraiment d'être là. Bah, et puis même quand t'as dit pourquoi vous m'avez choisi, vous avez juste dit que c'était pas bien ce que je faisais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est rappelé, non ? C'est ça. Ils choisissent des fois des gens juste aussi, même s'ils ont des opinions pourries. Des fois, les personnes n'ont émis qu'une opinion. Alors, tu peux avoir des opinions de merde. Est-ce qu'avoir une opinion de merde, ça mérite de se faire flinguer ? Voilà. Moi, Mergrin, on serait déjà plus là. Hein. Oui, sûrement. Sûrement. Mais bon, en même temps. Depuis très longtemps. C'est sûr, mais en même temps, on a toujours une opinion de merde pour quelqu'un, donc après, ça peut vite devenir du tir au lapin, quoi. Donc, voilà. oui, ça c'est pour sûr. Pour ceux qui sont à gauche, tous ceux qui sont à droite ont des opinions de merde, et vice-versa. Et si tout le monde se met à avoir des flingues et dire on va tuer les autres, ça va être. Ça s'appelle les États-Unis. Oui, ça s'appelle les États-Unis. Ouais, je suis pas trop sûr d'avoir envie d'y vivre, moi, hein, franchement. Ah, moi j'ai pas envie d'y vivre, clairement. Ça me fait pas rêver, hein. Il y a des choses intéressantes dans la société comme tout, hein, mais franchement c'est une société vraiment très très violente et l'utilisation d'armes à feu tout le temps, des fois quand je suis sur Twitter, je raconte des trucs, tu lis des trucs, tu dis putain j'aurais envie d'avoir un flingue juste pour lui faire sauter le caisson, mais dans la réalité tu me donnes un flingue, tu me dis fais-le, je fais oh là ouh, doucement garçon. Détends-toi gamin, on a le recul pour en fait. Faut avoir quand même un peu de recul quoi. Alors voilà, toi tu vois ça comme ça, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une... Je sais pas, il y en a qui voient une critique de l'extrême droite. Moi, je verrais une critique aussi de la gauche. Il y a une critique des deux. Hein. Je suis d'accord avec toi, il y a une critique des deux. C'est ça qui m'empêche de prendre un parti et de vivre vraiment aussi bien le film que Les Chasses du Panzarov, par exemple. Voilà, le film est relativement malin sans être trop non plus. Tu sais, sans être au tort ou m'as-tu vu, voilà. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est plutôt malin. Bah, d'ailleurs, les Trumpistes n'ont pas du tout aimé le film. Il a été. C'est étonnant. Ouais, hein, c'est bizarre. Hein. Ils l'ont pris pour eux. Enfin, contre eux. Bah, oui, et en même temps, j'étais content dans le film de voir le personnage d'Ethan Suplee. Enfin, de voir Ethan Suplee dans le film. Celui qui joue le survivaliste, qui joue le frère de Earl dans la série My Name is Earl. Oui. Il a l'air vachement moins con dans ce film. Tu m'étonnes. En plus, lui, je l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'avais vu dans comment il s'appelle. Je l'avais vu dans merde. Comment il s'appelle ce film avec notre ami Denzel Washington. Comment il s'appelle Unstoppable. Unstoppable. Ah oui, c'est vrai. Il joue un des conducteurs du train. Il joue un conducteur qui justement laisse échapper le train. Oui, il est bien dans le rôle. Là, ouais. Ouais. Donc c'était vraiment un. C'était. C'est un bon rôle. C'est un bon rôle. Personnage, oui, tu es content de le voir crever. En général, tu es même tous contents de les voir crever. Hein. Oui, j'étais content de le voir lui à l'écran, parce que je l'aime bien comme acteur. Et là, il a poussé de la fonte. Il a l'air moins con qu'avant, quand même. Ah bah, en même temps, dire, le physique, ça joue. Ouais. Tu m'étonnes. Bah, quand tu le voyais dans Mallrats ou des trucs comme ça, il avait une tête de bonnet, clairement. Là, la barbe, plus le physique un peu gonflé, ouais, il a l'air moins con. Puis, dès qu'il parle, tu dis « Ah si, il est con, en fait. » Ah, on peut pas... tout changer d'un coup. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, il y a une scène que j'adore avec lui, avec le train, dans le train. Ouais. Avec les migrants et tout ça. Cette scène, elle est drôle. Elle est trop... la fin, elle fonctionne tellement bien. tout, mais tout marche bien. Il y a plein de petites scénettes comme ça dans ce film qui sont plutôt bien jouées, etc. Et puis, franchement, Betty Gilpin, c'est franchement... C'est une révélation. Une révélation complète. C'est une réussite, son rôle. Comme je te dis, moi, tu disais qu'elle était un peu... Au début, ouais, plus qu'amorce, c'est une erreur de ma part. C'est, en fait, elle est taiseuse. Tu te dis, elle a l'air un petit peu, oui, dans la lune, un petit peu ailleurs. Un peu lente, etc. On va dire. Un peu lente. Et en fait, comme je disais, tu comprends qu'elle analyse tout et qu'elle voit tout ce qui se passe autour d'elle et qu'elle prend bien son temps plutôt que de foncer comme les bourrins qui sont tous prêts à se faire exploser la gueule. D'ailleurs, ce qui leur arrive au départ. C'est ce qui leur arrive à tous. Hein. Voilà. Hein, des gros bourrins. Elle sait prendre son temps et c'était plutôt. Voilà, c'est un bon rôle pour elle et ouais, elle est bien badass, quoi. Bonne révélation, elle est bien badass. Dans le genre, ça m'a fait penser. Enfin, elle, selon moi, m'a fait un peu penser à. Je crois que c'est Samara Weaving dans Ready or Not. Oui. Wedding oui. Nightmare, où en fait, j'ai pas vu dans d'autres choses, je crois, cette actrice, mais là, typiquement, dans ce film-là, là, j'ai trouvé qu'elle était. C'est une très très bonne référence. Wedding Nightmare. Il est tellement bien ce film. Qu'est-ce que je me suis marré. La fin, c'est une dinguerie. Un bon twist final, bien. Alors que j'ai pas vu venir du tout. Ah, moi non plus, c'est de la connerie du début à la fin. Voilà. C'est ça. Un truc de chasse à l'homme, c'est tout. Ouais. La chasse à l'homme, ça marche bien. Et puis l'actrice, là aussi, elle est dans ce film-là, elle est aussi très, très. Là aussi, tu vois la petite caille blanche au début, complètement apeurée. Et puis ça part en cacahuète. Un vrai bonheur. Il est génial aussi ce film. C'est vrai que c'est aussi une production Blumhouse, tout ça. Donc c'est sorti peut-être 2 ans avant ouais, oui, c'était. On voit bien qu'il a de l'ensuite dans les idées, Pépère. Oui, oui. Bah, les chasses du comte Zaroff, c'est leur truc. Ah, chacun son délire. Hein. Moi, j'aime bien. C'est pas moi qui vais juger. Moi, c'est vraiment. Oui, je sais que ça, t'es un peu ton kiff. C'est ma gamme. Hein. Moi, c'est la vengeance et je dois avouer que j'ai un petit peu mon truc là-dedans aussi. Donc, ça marche aussi. Ça marche bien, on est plutôt heureux. Oui, ça aussi. Donc en plus de The Hunt, Wedding Nightmare, faut pas hésiter à aller le voir. Hein, il est vraiment très très bien. Oui, ça, il marche très très bien. Et je rajouterais Your Next. Très sympathique. J'ai pas vu aussi. Encore celui-là. Ouais, il a bonne réputation, mais j'ai pas vu. Eh ben, je te le conseille à nos millions d'auditeurs. Hein, faut rêver un peu. Bon, voilà. Si tu m'écoutes, hein, on te conseille. Voilà, hein. Chérie, si t'es là-haut et tu entends, vas-y. Voilà. Bah écoute, très bien. Donc nous, on conseille très fortement The Hunt, un bon plat de résistance, bien consistant, bien saignant, servi à point. Et on ajoute une petite dose de Wedding Nightmare pour le fun. C'est ça. Bon, et pour le dessert, la glace de boule, double Simbad. Double Simbad, on y va. Allez, je te laisse commencer parce qu'on s'est planté de Simbad. Toi, t'as fait le voyage fantastique et moi, j'ai vu le 7e voyage. C'est ça. Alors, par contre, celui qui a pris des notes, le problème, c'est que mes notes sont à 2 mètres de moi. Donc, je me déplace. Merde. Oh là là, les aléas du direct, c'est fou. J'arrive. Oh, les effets spéciaux. Et voilà, les aléas du direct. Que des émotions, j'ai dû causer. Oh là là. Et là, tu parles plus dans ton micro. Je ne parle plus dans mon micro, c'est mieux là ? À moins que je l'ai coupé. Et aussi, avant de poser ta webcam, tu aurais dû ranger les sextoys. Ah bah, si on peut plus se faire plaisir pendant un petit live, moi je vois pas où est le problème, hein, franchement. Et finalement, heureusement qu'on diffuse pas en direct. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Là, YouTube, ils auraient striké aussi sec. Mon Dieu, mais qui sont ces gens? Alors, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons chacun regardé un film de Simbad. Alors, c'est ma faute. Je n'ai pas envoyé le bon film à Nostalgic. Je lui ai envoyé le 7e voyage de Simbad et moi, j'ai regardé le voyage fantastique de Simbad. Hein, voyage. Après, de toute façon, il y avait voyage. Il y avait voyage, il y avait Simbad. Tu avais ce que tu voulais, quoi. Voilà. Oui, et puis il y avait du Harryhausen, donc ça va. C'est pas comme s'il était vraiment pourri non plus. Voilà. Donc, c'est le voyage fantastique de Simbad est un film de 1973, voilà. Donc, où Simbad, notre ami le marin, est sur son bateau, un petit peu logique pour un marin, et voit une sorte de créature dans le ciel qui laisse tomber une espèce, d'artefact magique qui doit pouvoir lui donner l'emplacement d'un trésor. C'est un artefact, c'est une pièce d'un artefact. Il faut 3 pièces pour pouvoir reconstituer l'artefact, avoir la carte et trouver le lieu magique. Voilà, où se trouve le formidable trésor. Et donc, ils appellent ça exactement un homunculus. Voilà, homunculus. Vous prononcez ça comme vous voulez. Comme le méchant dans Mad Max 2, en fin de compte. Il s'appelait comme ça ? Ouais. Non, Humungus. Humungus. Ah, Humungus, oui. Oh, c'est pareil. C'est pareil. Donc, entre-temps, voilà, il essaye de trouver les autres parties et il fait la rencontre d'un vizir qui a déjà l'autre partie de l'homunculus et qui veut partir avec Sinbad pour retrouver ce fabuleux trésor. Parce que malheureusement, ce vizir, il a eu un petit accident. Il a été brûlé gravement. Il porte un masque doré qui cache son visage de grand brûlé. Voilà. Et malheureusement, derrière lui, t'as le méchant Kura qui a créé l'homunculus et qui est un magicien avec du kohl sur les yeux et une grande barbe noire. C'est souvent des magiciens, les méchants, dans Sinbad, alors. Hein. C'est ça. Et qui décide de se lancer à leur poursuite pour récupérer les pièces de l'homunculus et trouver lui-même le trésor et devenir riche, célèbre et tout ce que tu veux, quoi. Enfin, surtout riche et puissant. Voilà. Ouais, il veut les putes et la coke. C'est ça. Ouais. Voilà. Alors, pour un film de 1973, déjà, il y a toujours les animations de Ray Harryhausen, évidemment. Hein, les créatures. Un centaure, un griffon, des petites sortes de petits démons volants, etc. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que c'est un film de 73, mais il faut se rappeler, ça a 50 ans. Bah, 50 ans dans les gencives, à l'heure où maintenant on a justement les effets spéciaux numériques, on pourrait faire la fine bouche, mais je dois admettre que ça a un certain charme. Honnêtement, ça a plus de charme que des CGI crado. Hein. C'est ça, ça a un certain charme. Alors, bien sûr, tu vois le grain de l'image avec tu vois les transparences, le grain de l'image, voilà, c'est pas raccord, c'est pas parfait. En plus, la version que j'ai eue, ça devait être une version Blu-ray, mais tu vois, j'ai eu une belle VF, une très belle VF, d'ailleurs, je vais en parler. Mais c'était une version, tu vois, à mon avis, avant de faire le Blu-ray, ils n'ont pas fait de restauration. Hein, je te la scanne ou ils l'ont scalé. Ouais, ou la pellicule est pas ouf. Hein. À mon avis, il faudrait faire une belle restauration. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Alors, bien sûr, j'ai bien aimé, parce que ça, comme je te dis, ça a un certain charme. Parce que je me rappelle l'avoir vu dans les années 80 à la télévision. Il m'avait assez marqué, surtout à l'époque, il m'avait fait peur à cause des créatures animées comme ça, qui, quand j'étais un petit gars, c'était très très impressionnant pour l'époque. Bah, et puis en plus, il y a un côté où normalement les animations sont 12 ou 14 images secondes, alors que le reste de la péloche est à 24. Il y a un côté, elle a une canne mi-vallée, c'est fluide, mais il y a un truc où le cerveau il dit non, il y a un truc qui va pas. C'est ça, voilà, donc il y a quelque chose qui va pas, c'est un petit peu ça, en plus bon, avec le processus stop motion, c'est un petit peu saccadé en plus, voilà, mais bon, ça reste quand même, pour un film d'il y a 50 ans, voilà, il y a que comme ça qu'on pouvait faire apparaître à l'écran des créatures fantastiques, qui soient pas des acteurs vaguement grimés ou mal grimés, quoi, donc... Ou un mec dans un costume à la Godzilla, tu vois... C'est ça, un truc un petit peu, qui vieillit encore moins bien, hein, voilà... Oui, donc, oui, clairement, oui... Mais, voilà, donc j'ai pris quelques notes au fur et à mesure du film, parce que, bon, je me suis aussi payé une bonne tranche de rire, hein, honnêtement, donc... Déjà, t'as Sinbad, c'est un acteur américain qui s'appelle... comment s'appelle ? John Philip Lowe, hein. Et qui s'épile le torse. On va prendre autre chose qu'un Américain pour vous. Bah d'ailleurs, tous les acteurs qui jouent des Arabes, il n'y a que des Américains ou des Anglais ou des choses approchantes. Tu voulais pas qu'ils prennent des Arabes non plus ? Bah même dans le 13e guerrier, pour prendre un Arabe, ils ont pris un Espagnol. Ah voilà, chacun son. C'était déjà un poil plus proche, hein, les Arabes, ils ont été en Espagne à un moment donné. C'est vrai, c'est... et puis il était un petit peu plus typé. Là, tu sens que le mec, il a fait une petite séance d'UV avant, on lui a épilé le torse, il a fait quelques pompes histoire d'avoir un beau poitrail. Voilà, mais bon. Voilà, bon. Et tous les acteurs comme ça, hein, ils ont des moustaches, des dents un petit peu pourries, des coiffures pas possibles, mais derrière, ça reste de l'européen qui a été grimé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'avait bien fait ? Ah, il y a quand même un point important dans le casting, le love interest, c'est quand même Caroline Munro. Excusez-moi du peu. C'est pas mal, j'avoue. Caroline Munro, dans sa vingtaine, avec des tenues tout à fait attrayantes, qui, je dois bien l'admettre, est absolument magnifique. Hein. Ouais, elle est magnifique, Caroline Monroe, elle est magnifique. Y a pas... Elle est absolument sublime, sublime et très classe. Vas-y, maintenant tout le monde fantasme sur comment elle s'appelle l'autre, là. Celle qui a des gros seins. Non, ça va pas t'aider, hein, parce que maintenant... tu sais, celle qui a un nom qui ressemble à son prénom, quoi. Je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Tu vois, comme quoi elle m'a pas marqué au niveau de son jeu d'acteur, quoi. Ouais, c'est des nichons qui t'ont marqué, mais bon, c'est pas facile, c'est comme ça. Voilà. Sweeney, comment elle s'appelle? Sweeney, voilà. Voilà, je ne sais même pas dans quoi elle a joué. Je vois son nom, j'ai vu sa tronche partout, mais je ne vois pas dans quoi elle a joué. Elle a fait une comédie romantique il n'y a pas très longtemps que j'ai entrevu. Oui, bah, c'est pour ça que je passe à côté. Voilà. Mais elle a joué dans Madame Web. Romantique, toi. Oui, mais oui, Madame Web, il n'est même pas sorti. Ben oui. Mais bon, elle a joué dans Madame Web, elle a joué dans... Elle a joué dans plein de films de merde, en fait. Mais bon, comme c'est une... Elle a un regard de veau et des gros seins, ça doit plaire. Mais bon, voilà, c'est pas terrible. Bah, y a un des deux qui a un argument recevable. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, quand tu regardes le bleu de la mer en la regardant dans les yeux, c'est un peu triste, quoi. Bref. Mais c'est vrai. Donc, on a Caroline Monroe, hein, dans toute sa fraîcheur de la vingtaine. Ce qui est un bon point. Bon, alors, par contre, c'est vrai... c'est le love interest des années 70, hein. C'est quand même un petit peu un pot de fleurs. Hein. Elle a un petit peu peur, elle se met au bras de Sinbad, elle tombe amoureuse à la fin, voilà, faut pas non plus en chercher, chercher trop loin. Quoi. Oui, alors dans celui que tu m'as fait voir de 58, c'est un peu le même genre de rôle. Hein. Ah bah, en 15 ans, il n'y a pas grand chose qui ont changé. Ah si, elle a grandi, parce que dans celui de 58, elle a une malédiction, elle est réduite à la taille d'une toute petite personne, elle cherche une espèce de grosse boîte d'allumettes qu'il a toujours dans la poche. Ah, donc là, c'est vraiment le truc, le fameux objet à fond. C'est le petit objet. Alors après, bon aussi, faut pas non plus, faut pas tomber sur un mec qui, tu sais, qui est très au point sur les bateaux. Enfin, je vais pas dire arabe puisque Sinbad n'est pas arabe, il est perse normalement. C'est une légende perse, si je me trompe pas, Sinbad. Ouais, donc, il parlait ou irakien. Il parlait de Bagdad. Donc c'est l'Irak. Irakien. Donc. Les bateaux, bah c'est des bateaux européens auxquels on, tu sais, on a mis 2-3 francs feluches pour faire, hein, pour faire oriental. Oui, alors déjà, c'est même pas des vrais bateaux, c'est juste du décor. C'est du décor, etc. T'as notre ami Sinbad aussi, et pour montrer à quel point il est un homme, il attend pas que le bateau il mouille dans une petite crique. Il saute à l'eau, il fait les derniers kilomètres à la nage, il arrive sur le sable, le brushing encore impeccable, à peine mouillé. Trop fort, franchement. Ça, c'est une constante de l'époque, ça. Ah, mais c'est à revoir maintenant. Tu vois, j'ai chopé tous ces petits détails en le regardant. Par contre, un autre avantage, l'AVF. Attention, l'AVF pour Sinbad. On a des belles VF. On a Claude Giraud, donc Salomon dans Rabbi Jacob, qui a fait beaucoup de doublages, dont notamment Ulysse 31, pour ceux de notre âge. Hein, on a Georges Aminel qui fait Koural Magicien. Alors, Georges Aminel, c'est facile à voir, c'est Dark Vador. Voilà, la voix de Dark Vador en français. Oui, il dit trois phrases. Voilà. Oui, il dit trois phrases, peut-être. Il s'est pas fatigué, cas... quand même. Voilà, donc c'est une belle voix grave. On a aussi Francis Lax qui fait Rachid. Rachid, le second couteau. Oui, il s'appelle Rachid. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal. Ça m'a fait rire sur le coup. Voilà, là aussi, un acteur complètement européen qui s'appelle Rachid. Voilà. Oui, bah, dans celui de 58, c'est pareil. Il tombe même sur une espèce de tribu un peu perdue dans cette île. Là aussi, c'est des acteurs européens peints en vert avec une perruque. Mais le problème, c'est qu'ils ont des traits fins, des traits européens, etc. Même, t'as l'impression que c'est des roast beef à qui ils ont mis... Il est peut-être arrivé sur une petite île d'Angleterre sans le savoir. Oui, oui, ils ont tellement le type anglais. Voilà, donc il y a plein, c'est un peu rococo, c'est un petit peu, c'est très surjoué, tu vois. Sinbad, il a jamais peur. Toutes les 5 minutes, il te sort un proverbe qui est souvent très con en plus. Voilà, avec un air sentencieux, tout le monde a l'air complètement, comment dire, en attente devant les phrases de Sinbad, alors qu'en général, tu te demandes Dieu, mais. Mais qu'est-ce que ça fait là ? C'est complètement idiot. Mais qui est con ? On dirait un second lessive. C'est ça. Voilà. Mais le film reste très, comment dire, très très sympathique à regarder et très agréable. Voilà. Bon, alors, je suis pas sûr qu'un gosse de maintenant pourrait l'apprécier. Franchement. Et ben, tu vois, je vais pouvoir répondre à ta question parce que moi, je l'ai regardé avec mon fils, avec Jojo, qui a 11 ans. Oui. C'est une conduite. Ouais, celui de 58, ouais. D'accord. Et il a commencé le film en rigolant, en disant « Ah, c'est nul, j'ai dit « Attends, attends, détends-toi, le film, il a l'âge de ta mamie. » Donc, remets le truc dans le contexte. Effectivement, tu trouves ça un peu ridicule, mais juste, regarde le truc, tu vois bien que tu trouves ça ridicule, parce que c'est un cyclope au tout début de celui-là. Ouais. J'y n'empêche que tu vois le cyclope, il est plus gros qu'eux, tu vois bien ce que c'est, tu le reconnais, il est animé. J'y dis, à l'époque, c'est pas si clair que ça, c'est arrivé pas si souvent. Il y a des interactions avec les acteurs, ce qui est une folie hein, à l'époque. Qui est extrêmement compliqué à faire, oui. C'est très très compliqué. J'imagine qu'ils ont animé ça d'un côté, ils ont filmé d'autre, et ils ont mis les deux images les unes sur les autres à la main pour que ça corresponde au truc. Enfin, c'est une dinguerie pour que ça fonctionne. C'est complètement ça. Dingue. Et à partir du moment où j'ai un petit peu donné le contexte, il s'est laissé prendre aussi au jeu. Et il a bien aimé le film, en fin de compte, il a regardé avec moi, et jusqu'à la fin, mais c'était pas mal quand même, c'était sympa. C'est, voilà. T'as des beaux décors, l'histoire de Suite 58, c'est... Alors attends que je dise pas de conneries, du coup Sinbad, il est sur son bateau, il accoste sur une île un peu au pif, ils sont un peu perdus, il accoste sur une île au pif, il y a un cyclope sur cette île, et le cyclope, il a une lampe magique avec un génie, d'accord, qui protège. Et donc t'as un magicien qui se barre avec cette lampe, et il perd la lampe, le magicien perd la lampe, mais Sinbad sauve le magicien. Et il finit par l'emmener à Bagdad, donc. Et à Bagdad, Sinbad, il doit se marier avec la princesse, évidemment. Mmh. Et le magicien, qui est un peu méchant et en plus qui veut récupérer la lampe magique, il jette un sort pour que la princesse soit réduite. Mmh. Et ça, les autres ne le savent pas qu'il a fait ça. Et après, il dit, bah, j'ai un moyen de lui revendre sa taille. Il faudrait qu'on aille chercher la lampe magique que j'ai perdue là-bas. Mmh. Donc, ramenez-moi là-bas, récupérez la lampe magique et puis je lui rendrai sa taille. Du coup, il repart là-bas. T'as des cyclopes, donc. T'as des rocs, donc des gros oiseaux géants à deux têtes. Il y a des combats avec des squelettes, évidemment. Ça, c'est la patrie Harryhausen. C'est un classique. Comme ça. Et t'as des décors de grottes, des décors d'îles désertes, enfin, des décors de vallées entre deux volcans. C'est magnifique. Mmh. Et tu voyages, et franchement, c'était quand même pas si mal. J'ai un peu rigolé au début, mais c'est vrai que quand on se remet un peu dans le truc, c'était pas mal quand même. Mais bon, pareil, t'as le Sinbad. Par contre, il était moins caricatural que dans le chien, j'ai l'impression, le Sinbad, dans celui-là, parce que il sort pas des sentences à la con toutes les 3 secondes. Tout le monde attend un peu le héros, mais en dehors de ça, ça va. Après, la princesse, c'est une potiche. Ouais, là il était un petit peu poseur, tu vois. Tu sais, limite, il arrive à l'écran, il prend la pose à chaque fois pour montrer son bronzage, quoi. Voilà. Oui, là il y avait un peu ça aussi. Il arrive à l'écran, puis tu vois le. Oui, bah là je le mime. C'est vrai que ça se voit moins bien en podcast. Bon, mais... il avait un turban, mais s'il avait pas eu de turban, t'aurais eu le mouvement des cheveux, quoi. Tu vois. C'était... Ouais, c'est. Il prend le vent, hein, il met le bon profil face caméra, il sourit, et voilà. C'est ça. Voilà. Bah voilà. Mais Suite 58, il faudra que je me le regarde quand même parce que je l'ai pas revu et je crois que celui-ci je l'avais vu aussi parce que l'histoire du cyclope et de la petite boîte, ça me rappelle vaguement des souvenirs. Et je me demande si même plus, je confonds pas. Il mixe plusieurs trucs parce que le cyclope, on le voit dans le truc. La petite boîte, il y avait Tom Pouce. Et puis il y a d'autres films où on met un être humain rétréci dans une boîte et qu'on trimballe. Ouais. Donc. Et en plus, elle parle tout doucement. Donc on a tous rêvé un jour que notre femme soit petite comme ça et qu'on ne l'entende plus. Ouais, quand elle va l'écouter, je vais me faire engueuler. En plus, je vais faire exprès de le mettre dans la voiture, l'épisode. Ma chérie, si tu m'entends, j'assume, mais je conduis, je fais pas le con. Je dénie toute responsabilité pour cette phrase. Voilà. Donc, ouais, voilà, moi ce que je peux dire sur Suite 58, c'est que j'ai passé un bon moment. Je joue bien aimé aussi, et c'était plutôt chouette en fin de compte. Et bon, moi j'ai King aussi sur l'animation stop motion, j'adore ça. Mm-hmm. C'est un truc qui me. J'ai toujours trouvé ça magnifique, je trouve ça vraiment magique, bien plus magique que des CGI même réussi. Hein. Ouais. Donc, ouais, moi je vois un film comme ça, je suis content. Et celui-là, je l'avais pas vu, donc c'est cool. Eh bah, c'est bien. Bah... Donc, les deux films de Sinbad, à mon avis, sont largement à conseiller. Alors, peut-être oui, à découvrir. Et puis Jason et les Argonautes aussi, qui a très bonne réputation. Ouais, à mon avis. Et celui-là, je ne l'ai jamais vu non plus. Mais par contre, c'est peut-être à voir, mais avec un peu de contexte pour les enfants, comme tu as fait avec ton fils, parce que voilà, c'est pas facile de leur vendre le truc. Hein. Bah, surtout, moi, je lui dis, bon, on va le regarder comme ça, rien que le générique. Il me dit, il a quel âge ton film, papa? Ah oui, les génériques piquent un peu. Hein. Tu vois le grain de la péloche, etc. Qui... Ah, qui... puis c'est un carton, quoi, le générique. Donc, ouais. C'est... Ah, ça remet dans l'époque. Tu sais, moi, j'ai essayé de vendre le Superman de 78 à ma fille. Je lui ai montré, elle l'a regardé. Elle a fait, ouais, bah c'est quand même nul. Hein. Oh, purée. Et dans oh, la vache. Prends ça dans les gencives, quoi, tu vois. Ah bah c'est sûr, demain ils ont Man of Steel où le mec il traverse des immeubles complets. C'est sûr que la bagarre des bagarres dans Superman 2, dans Superman ou Superman 2, c'est un petit peu plus mou, hein, c'est sûr. Ouais, mais Man of Steel par exemple, bah je trouve que la bagarre elle est trop en fin de compte. Il y a pas de dimension humaine, t'as juste deux machins qui détruisent tout devant eux et. C'est ça. Et puis je trouve qu'au niveau charisme, Christopher Reeve. Je sais, il y en a qui me diraient que je suis encore engoncé dans mes souvenirs, mais au niveau charisme, on n'a pas fait mieux pour Superman, quoi. Ben, charisme, et puis un peu le côté passe-partout aussi, donc ça marchait pas mal. Après, moi, j'aime bien Christopher Reeves aussi dans des films comme Le Village des Damnés, tout ça. Je trouve qu'ils se font bien dans ces personnages et que ça marche bien. Après, j'ai rien contre Henry Cavill, hein, mais quand tu vois le baiser sous, bah oui. Ouais, en plus, rien que par son jeu d'acteur, il arrive quand même à faire croire, pourtant, comme on dit, le coup des lunettes, le chapeau, etc., pour pas... Mais il passe de l'homme sûr, fier de lui, etc., à le gars timide, effacé, qu'on prend un peu pour un béné, etc. Et le jeu est quand même plutôt pas mal, faut admettre, de Christopher Reeve à ce niveau-là, quoi. Donc, ça passe plutôt bien. Puis surtout, il y a un Superman qui va sortir. Là, j'ai vu la tête de l'acteur et les affiches, j'ai déjà les yeux qui brûlent, moi. Bref. Oui, j'ai vu l'affiche tout à l'heure, je l'ai pas trouvé terrible. L'acteur, j'ai vu des photos, je... Bon. Il fait trop rondouillard, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Or, après, comme on dit toujours, on va d'abord regarder le film avant de critiquer, mais bon. Ah ? Je suis pas enthousiaste. Ouais, on va dire que je suis pas enthousiaste non plus, je suis un peu sur la défensive. En plus, Superman, c'est pas vraiment ce que je préfère en général comme super-héros, donc... Ouais. On verra bien, ça se trouve, ça va être une bonne surprise aussi, ou ça va introduire d'autres trucs pas mal, mais j'ai l'impression que dans cette nouvelle version du DCU, il y a 2-3 designs qui me font un peu tiquer. Hein. J'ai vu des designs de Green Lantern avec la coupe au bol et tout ça. Ah ouais, ils ont fait un vieux design des années 60-70, je crois. Je sais plus comment ça sera pas pire que Ryan Reynolds, hein, mais... Mais qu'est-ce qui peut être pire que Ryan Reynolds? Ouais, ça a l'air de piquer un peu, quoi. Bah, Ryan Reynolds avec une coupe au bol, par exemple. Ah, oh mon dieu, ça y est, j'ai l'image. Ça y est, t'as l'image. Je suis même pas désolé. Ah bah, faut pas, hein. Après tout, maintenant je peux affronter la mort les yeux ouverts, c'est bon. Voilà. Alors, remarque, on taille Ryan Reynolds, il avait des films pas mal. J'ai beaucoup aimé son Blue et compagnie, que j'ai trouvé très très chouette. C'était assez sympa, ça se passe bien, et puis, bon, à part la gamine qui reste crispante au possible, ça, voilà. Ah non, moi ça va, ça... Non, puis les gamins ont bien aimé, j'ai plutôt bien passé. Il y a quelques bons moments, quoi. Moi, j'adore, par contre, quitte à faire un petit parenthèse, on en profite, oui. Hein, on est en direct, c'est le personnage, comment il s'appelle, tu sais, espèce d'agent secret, là, qui apparaît, qui disparaît. Comment il s'appelle? Je vois plus son nom, je vois vaguement, mais j'ai plus le... J'ai plus le nom. On va le retrouver, il nous reviendra, quoi. Pour oui, quand moi, on cherchera plus, à peu près. Il va nous revenir, quoi, donc... J'aime bien l'idée des personnages, justement, comment ça s'appelle, des personnages qui suivent les gens, les amis qui te suivent toute ta vie. Voilà, donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est un gentil film, ça passe bien pour les enfants, quoi. Ouais, les gamins, même moi, j'ai bien aimé. Je l'ai commencé d'un œil un peu distrait en disant bon, allez, essayer d'être con, ça me saoulait. En fin de compte, j'étais pris au truc, c'était plutôt cool. J'avais un peu éventé le twist rapidement, quand même. Ça, ouais. Les enfants l'ont pas inventé, mais ça se voyait un peu. Mais ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est le putain de titre français dégueulasse. Ça, ah franchement, bah ça... t'as des marketeurs, ils devraient bouffer leur putain de cravate et se pendre avec. C'est ça. Parce que le titre que... If est très propre et ils voulaient tout dire en même temps. Et là, Blue et compagnie, t'as l'impression qu'on te vend un sous-monstre et compagnie, et pour vendre des Happy Meal, ça me fait chier. Ouais, mais en même temps, c'était If, c'est. Imaginary Friends, un truc comme ça. Ouais, alors, et après, en même temps, ça veut dire et si en et français. Si. Ouais, mais donc, après. C'est... Le sens, bah le traduit pas, putain, c'est pas la peine. Ouais, je sais, mais justement, comme c'est destiné aux enfants, faut que ça soit quelque chose qui soit peut-être un petit. Justement, tu peux pas leur vendre comme à nous des titres anglais retranscrits en anglais ou des titres anglais francisés. Il faut que ça soit francisé pour eux, quoi. Je trouvais que If, au pire, le gamin, hein, il comprend pas ce que veut dire le titre, mais du coup, ce sera pas plus con que Blue et Company, il comprend pas non plus ce que veut dire le titre. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, ça aussi, c'est pour regarder avec des gosses, ça passe plutôt bien. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. C'est un bon moment. Cosmo. C'est une espèce d'agent secret. Je suis là, je suis plus là. J'ai trouvé le personnage extrêmement drôle, quoi. Il apparaît à tous les moments. J'ai bien aimé ce perso, quoi. Ouais, mais il y a 2-3 petites trouvailles drôles. Et puis c'est Krasinski, je crois, qui réalise. Et j'aime bien sa façon de faire. Il y a un côté un peu touchant dedans qui est plutôt chouette. Non, c'est un film qui est très propre et très sympa. Ben voilà, ben comme ça, on a parlé des Simba, des bonus Blue et compagnie. Hop. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait comme plaisir aux gens quand même hein. On est trop bon. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui. Faudrait qu'on se fasse payer pour ça. Oui, le chat voudrait... a raison. Qui voudrait payer? Je sais pas, mais si quelqu'un veut bien qu'il se dénonce. Hein. Ah, ben, je pense. Je pense qu'on risque pas de bouffer lourd, hein, putain. Non, c'est vrai. Après, s'il y a des cash converters qui veulent nous financer ou me envoyer des DVD, moi je suis preneur. Hein. Eux, ça leur coûte pas cher. Moi, ça me fait plaisir. Tout le monde est gagnant. Bah voilà, l'annonce est passée. Voilà, j'essaierai de faire écouter ça dans les caches près de chez moi. Bon, et bah écoute, je te propose un petit Dijon. Ah bah oui. On se fait la retraite d'enfer de notre ami Nicolas Cage. Exactement. Parce que je suis une foutue saucisse. Voilà, l'autre soir, je me dis ce soir, vas-y, pas de film, j'ai de l'écriture en retard, je vais mettre Prime Vidéo, une petite série, Supernatural, Columbo, Reacher, une connerie comme ça. Et là, paf, traquenard, page d'accueil, première ligne, retraite d'enfer avec Nicolas Cage. Mm-hmm. Ah, forcément, quel con pour nous ce titre, déjà. Hein, ça me fait regretter de ne pas être québécois. Mm-hmm. Évidemment, j'ai quand même lancé le film et j'ai changé mes plans. Le générique, donc, découle un... Putain de sa race. Le générique déroule un cast réjouissant. Outre Nicolas Cage, on retrouve Jackie Earl Haley, en grand méchant excité, Ron Perlman encore en homme de main bourrin et bas du front, et ou encore Ernie Hudson en vieux démineur qui en a toujours sous le coude. L'histoire suit donc Nicolas Cage, un semi-clodo qui vit aux îles Caïmans. Semi-clodo et îles Caïmans, il y a un antinomie quelque part. Sa fille ayant des problèmes avec des mafieux locaux, elle envoie sa petite fille chez lui. Bien sûr, les vilains mafieux vont essayer de venir le déglinguer, mais Nick Cage, c'est pas juste un vieux poivreau. Et non. En gros, c'est son John Wick, Nicolas Cage. Si tu veux mon résumé, je sais plus trop ce qu'il fait comme métier, mais en gros, c'est un John Wick. Et la différence, c'est qu'il semble beaucoup s'amuser, comme le reste du casting, parce que dans le dernier, on a toujours l'impression qu'ils se font chier. Le spectateur, bon, un petit peu moins quand même. Le métrage est mollasson et mal gaulé, je voudrais pas avoir l'air rabat-joie, mais vraiment, c'est archi dégueulasse. J'aurais fait mieux en une matinée avec le budget d'une vidéo pour chauffe-eau sautère. Le seul atout de ce film, c'est son casting. Et heureusement, Nicolas Cage et Ron Perlman ne déçoivent jamais, ou rarement. Et je ne vous parlerai même pas des tics de réalisation ringards vus trop souvent et qui m'énervent plus qu'autre chose. Bon, c'est un pur produit pour plateforme, sitôt vu, sitôt oublié, et seulement sauvé de l'anonymat par Nicolas Cage qui s'amuse comme un petit fou. Tu l'as vu toi là aussi ? Je l'ai vu. Tu l'as souffert. Hein, bah non, pas tant que ça. Alors, il y a des longueurs, hein, ça tire des fois à la ligne, là, comme on dit. Hein, ah c'est bien plus long que tous les autres dont on a parlé. Je crois que celui-là, il dépasse les 2 heures. C'est ça, 103 minutes. Donc, il ne dépasse pas les 2 heures. Bah, ça m'a semblé. 1h40, oui. Ça... Alors, c'est ce qu'on disait, ça tire à la ligne, c'est un petit peu long. Comme d'habitude, Nicolas Cage a une coiffure un peu improbable. Hein, oui, mais là, c'est raccord un peu avec le personnage, tu vois. Il a les cheveux longs, sales et rares. C'est ça. Et en plus, alors lui, c'est un ancien agent de la CIA qui faisait des missions commando extrêmement dangereuses, etc. C'est une espèce de c'est super barbouze, quoi. Un nobody, quoi. C'est ça. Et c'est un super barbouze et qui a fini sur son île tout seul, etc. Et qui a l'air au début, tu le vois à moitié, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce talent? Il dort sur sa table dehors avec sa bière dans la main. C'est ça. Et je crois que la gamine, elle croit qu'il est mort quand elle arrive d'ailleurs. C'est ça. Et donc, il est assez pathétique. Et en fait, il se révèle plein de possibilités. Plein voilà. De ressources. Plein de ressources, c'est ça. Donc, moi, j'ai plutôt aimé. Déjà, comme je disais, parce qu'il y a Ron Perlman qui nous fait toujours plaisir. J'aime bien le voir. Voilà. Même si j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous quand même de ce qu'on a vu. Oui, là, il est venu tirer son chèque, etc. Mais voilà, il fait le méchant, etc. Même ce qui est dommage, c'est qu'il a une bonne relation avec la gamine, justement. Il fait le méchant qui est pas si méchant. On dirait qu'il arrive plus trop à faire le méchant qui fait peur à tout le monde et tout. Là, il est plutôt sympa avec la gamine. C'est pas le méchant qui fait peur là. C'est ça. Il était plutôt agréable. Et puis bon, il y a quelques petites scénettes, quoi. Je pense que je vais te laisser parler de la bagarre dans l'hôtel, la technique de Nicolas Cage pour venir à bout de plusieurs ennemis. Je te laisse. Ah non, je vais te laisser faire, c'est toi qui en as parlé tout à l'heure en off. Non, si tu racontes bien, vas-y. Eh bien, en fait, Nicolas Cage se retrouve bloqué avec sa fille ou sa petite fille. Non, c'est sa fille. Petite fille. Hein. Sa petite fille à ce moment-là. Dans la chambre d'hôtel. Et les tueurs sont à sa porte. Et comment tu fais quand t'as deux mecs qui sont quand même plutôt baraques hein, en face de toi? Et ben Nicolas Cage a trouvé. Il ouvre la porte, il en fait rentrer un, il referme la porte et il lui pète la gueule à l'intérieur. Avant de se prendre. En croisant les doigts pour que l'autre attende de l'autre côté. Hein, parce que c'est normalement, ça. Ils n'attendent pas. Voilà. Et bah, il lui démonte la tronche. Et puis le deuxième finit par rentrer à son tour. Et il se fait démonter la gueule à son tour. Voilà. Voilà. Technique Nicolas Cage qui m'a tiré quand même un petit sourire parce que j'ai trouvé ça plutôt drôle. Quoi. Voilà. Bah, moi, je me dis, c'est un peu comme ça que je joue à Dark Souls. Tu vois, j'entraîne un ennemi vers moi, je le tabasse et après, je vais m'occuper de son copain parce que d'un coup, j'y arriverai pas. Voilà. Du coup, ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, on l'emmène dans un camp, on lui meule la gueule et puis après, on revient. Normal. Bah oui, c'est la meilleure manière de ne pas trop en prendre plein le museau. C'est ça. Donc, voilà, donc c'est pas une production folle, quoi, mais. Voilà, ça se laisse voir sur Prime Video. Si t'es abonné, ça peut passer. Voilà. Bah, c'est pas le plus dégueulasse de Prime Video. On a vu pire, hein, mais bon. Ni le plus dégueulasse de Nicolas Cage. oui, c'est vrai, c'est vrai. Quoique. C'est peut-être le. Celui qui a le moins d'âme, on va dire. Ouais, il est un peu en mode automatique. Voilà, c'est une des rares fois où je me suis dit, ouais, il a l'air un peu en pilotage. Vas-y, je fais le con, puis on avance, et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Il a touché son chèque aussi, et puis c'est passé, quoi. Bon. Mais bon, j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas dit après, oh là là, mon Dieu, quelle perte de temps. Voilà. J'aurais peut-être pu utiliser mon temps à une meilleure chose, mais c'était pas complètement gâché. Voilà. Si je devais me dire ça à chaque fois que je vois un film, putain, je regarderais plus, hein. Tu m'étonnes. je me taperais pas des Blood Fist 8, Oh la vache. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, Jazz et Seb avaient réussi un petit peu à me hyper sur Black Belt, et en fait, vu que c'est un DVD Prism, et ben c'était pas Black Belt dans le DVD. Mais arrête, on peut encore sauver Seb, mais Jazz, il est perdu. Tout le monde le sait. Oui, Jazz, il est perdu, on le sait. Jazz est complètement perdu, quoi. Il sort des fois des films, il dit, oh, ça a l'air super, etc. Tu vas voir le truc, tu dis, putain, mais Jazz, t'as un cancer du goût, c'est pas possible. Voilà. Mais ils ont réussi à vendre Talon of the Eagle, et en fait, c'était pas si mal, hein. Mais des fois, à cause d'eux, je vais regarder des films. Des fois, alors j'ai eu quelques bonnes surprises, comme le film, comment il s'appelle, le film australien là. Ah oui, putain, il est bon celui-là. Ah là là. Merde. Fait chier. Ils en ont parlé en même temps que City of Violence. Alors City of Violence, c'était très bien. Moi, j'avais préféré l'autre. Life After Fighting, qui est sur c'est Amazon ça. D'ailleurs aussi. Voilà, et qui m'ont bien fait plaisir, qui finit avec un égorgement de mec avec une vitre, vitre cassée. Les 40 dernières minutes, putain, enfin la moitié du film quasiment, putain, non-stop. Le mec, il en envoie. Donc, ils m'ont quand même vendu ces films, mais des fois, ils m'ont vendu des trucs, je les ai regardés, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. Voilà, hein. Ah, tu l'as dit, Jazz est perdu, hein, quand c'est lui qui propose un film, en général, même Seb, il peut plus lutter. Oui, je sais. Ouais. Et puis, ce rapport de Madsen à certains acteurs, je comprends pas. Don the Dragon Wilson. Acteur, faut le dire vite. Oui, bah justement, j'ai eu Blood Fist 8. Don the Dragon Wilson, quand on dit acteur, faut vraiment parler très très vite. Hein. Ouais. Il a l'air d'être toujours constipé, ce pauvre garçon. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça. Ouais. Peut-être que Jazz pourra nous le dire, lui qui a l'intégrale. Bon, on dévie encore, hein, mais bon. On dévie beaucoup, mais bon, on se fait plaisir un petit peu là. On se fait plaisir. En plus, je sais que Seb et Jazz nous écoutent, donc c'est toujours un plaisir. Donc, t'entends, Seb, nous on t'aime bien. Hein. Oui, on aime bien Seb, mais Jazz on l'aime pas. Faut quand même rester. Si, j'aime bien Jazz quand même, moi, mais bon. Mais arrête, c'est un guitariste de plage. Je l'ai toujours dit. Voilà. Il a tellement cette tête de guitariste de plage. Pauvre Jazz. Ah. Je t'as rigole, nous, je t'aime beaucoup. Nous, on dit pas du coup, tu vois. Ouais, hein, quand tu même. Tu vois, Jazz, c'est comme ça que font les professionnels. Apprends. Oui, les professionnels, ils digressent tellement qu'ils savent plus de quoi ils parlent. Oui, une retraite d'enfer, donc. Voilà, donc, voilà, bon, ça se laisse voir sur Amazon Prime, c'est pas foufou, mais quelques moments, voilà, ça peut tuer une soirée de détresse, voilà. Ouais, ça, admettons, ça peut distraire 5 minutes. Enfin, oui, une soirée pillage de chaussettes, ça passera mieux avec ça que sans. C'est sûr. Voilà. T'es pas obligé de suivre. En général, tu ouvres un œil, tu dis oui, ça va, c'est bon. Je sais où j'en suis. Voilà. Tu peux si j'aime bien comme le personnage de Ernie Hudson est cool aussi. Tu vois, ça m'a fait plaisir de le voir. Ah oui, Ernie Hudson, il cache tonne sévère lui aussi. Hein. Ouh là ouais, en ce moment, oui. Mais je l'avais revu, j'avais revu le premier Substitute peu de temps avant, et je me disais, putain, il a quasiment pas vieilli, Pépère. Ah, il se tient bien, hein, franchement, il se tient bien. Ah ouais, parce que dans SOS Fantôme, Ernie Hudson, pour moi, c'était plutôt un rigolo, entre guillemets, mais il faisait pas physiquement impressionnant. Quand tu vois The Substitute ou celui-là, il a des bons biscottos quand même. Ah ouais, non, mais pour son âge, il doit avoir les 70 entamés. Hein, ouais, je pense, ouais. Il est pas pourri du tout, hein, voilà. Bah non, il a pas trop vieilli, lui. Hein. Non, il est en bonne forme. Et ça ouais, fait ouais, plaisir de le voir quand même. Voilà. Bon, oui, moi je suis toujours content de le voir. Il y a toujours ce petit ton un peu décalé que j'aime bien. Donc, ça, dans ce film-là, du coup, ça fonctionne. Hein. Mais oui, bon, ça se regarde. Mais c'est clair que c'est quand même pas une folie. Hein. Mm. Voilà, il y a moins de côté déviant que dans le dernier Templier, tu vois. C'est ça. C'est un peu trop attendu. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de folie, quoi. Quelques petites trouvailles, mais pas de folie. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis deux, trois tweaks visuels qui me cassaient un peu les noisettes. Alors là, tu vois, je les ai déjà oubliés, mais c'est que c'était pas fou, quoi. Ouais. Peut-être des coups de caméra qui tremblotent ou des plans à la con numériques. Mm. Alors, tu vois, même moi, ça m'a pas spécialement choqué, tu vois. Ça devait être dans ma tête, ça a dû passer du genre... ouais, bah voilà, c'est le tic visuel des années 2020. Ça passera en 2030, quoi. Voilà. Oui, bah ouais, oui, c'est clair. Voire avant. Oui, oui, voire très rapidement, mais bon, bon. Bon, voilà, bah écoutez, je crois qu'on a terminé avec tout ça. Est-ce que tu veux en rajouter un petit peu avant qu'on se sépare pour 2 mois? Est-ce que tu as des choses à dire à notre cher public? Pas grand-chose. Continuez à voir des films, si vous avez le temps. Hein, parce que regardez des meilleurs que les nôtres. Oui, on essaye de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Voilà, on souffre pour vous. On souffre pour vous. Allez voir des trucs un petit peu plus sympas, quoi. Moi, j'ai bien envie d'aller voir Osinoche 28 ans plus tard. Je sais pas ce que ça vaut. Ça mange. J'ai vu 28 semaines plus tard, il y a 2 semaines, là. On se dit, ah, ça se tente 28 ans plus tard. Mais bon, avec les gamins, machin, c'est peut-être pas gagné. Ah, c'est pas facile. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait? On reste sur les films ou on peut parler un peu série ou on reste sur les films? Ah, toi, vas-y, parle de série si tu veux. Hein, tant qu'on a des choses à conseiller. Je me suis regardé une série il n'y a pas très très longtemps. C'était une série anglaise. Le problème, c'est qu'à mon âge, on a des problèmes de mémoire. Le titre m'a déjà échappé. Ah, bah ça devait être bien. Non, bah c'était plutôt regardable. Hein, mais. Hein, je vais te laisser enquiller, puis entre temps, je vais essayer de faire jouer ma mémoire. Ça marche. Bah, moi, question série, je regarde pas grand chose. J'ai tendance à tourner un peu en boucle. Il y avait la dernière saison d'Hitcher qui est chouette. J'étais content de la voir. C'est plutôt un grand monument de finesse. Mm-hmm. Je me suis bien régalé avec Hitcher et je me suis refait les Justified l'autre jour. Enfin, je suis en train de les refaire. C'est mm-hmm. pareil, mais c'est une vieille série. Enfin, c'est une vieille série. La vieille, c'est 10-15 ans. Hein. Mm-hmm. C'est pareil, c'est plutôt chouette. Ça se laisse regarder et ça occupe quand on plie les chaussettes et qu'on n'a pas envie de regarder des films. D'accord. Ouais, bah en même temps, c'est aussi quelque chose qui est largement défendable. Bah ouais, quand j'ai de l'écriture en retard, je mets des séries plutôt que des films, parce que si je mets un film, je suis que d'un œil et je suis obligé de le regarder une deuxième fois, et après il faut que je réécrive une chronique dessus, et enfin, je m'en sors plus. Voilà, ah ça y est, j'ai retrouvé. C'est les dossiers oubliés par contre, département Q, sur Netflix. Voilà. Ouais. Ça se regarde plutôt bien. En fait, c'est un remake de, tu sais, de Département V. C'était, je crois que ça s'appelait Département V ou comment c'était une série suédoise. Voilà. Donc tu vois, c'est tiré de bouquins suédois. Les enquêtes du Département V. Voilà. Là-bas, okay, c'est une série. Allez, je te dis une connerie. C'est pas suédois, c'est danois. Donc c'est une série danoise. Ouais, bah c'est des grands types blonds qui boivent de la bière. D'accord, on est d'accord. Mais donc, il y a une version anglaise qui est sortie et qui s'appelle Département Q, et en français, les dossiers oubliés sur Netflix. Tu as 9 épisodes. C'est avec Matthew Good. Je sais pas si tu le remets. Non, ça me dit rien. Qui fait un enquêteur qui a été blessé lors d'une enquête et en fait, qui doit rechercher une personne qui a disparu il y a plus de 4 ans. Et bon, il a pas de moyens, il se trimballe un acolyte syrien qui est même pas policier, il a une secrétaire qui a l'air un peu dépressive, et lui-même est pas en très bonne forme et est plutôt irascible. Donc, ça ressemble un peu à Deadpool, ton truc, finalement. Un petit peu, sauf qu'il flingue pas plein de gens, quoi, mais la série se regarde, franchement, les séries Netflix, il y a quand même pas mal de déchets, hein, faut être honnête. Ouais, mais, je sais pas, j'ai pas Netflix, moi, comme ça, je suis tranquille. Voilà, mais ça, je conseille, ça passe plutôt bien. Et puis en général, les séries anglaises, j'accroche bien, moi. Voilà. Bah ok, bah si, sinon, tiens, en parlant de séries Netflix, il y a Cobra Kai qui a terminé il y a pas très longtemps. C'était plutôt sympa la dernière saison. Ouais, bah moi, je me suis arrêté à saison 4, j'ai pas repris. Il faudra que je me finisse pour compléter ma culture. Bah, faut que ce soit terminé, quoi. C'est ça, normal. Bah oui, non, la saison 6, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ça termine le truc de belle manière, c'était plutôt cool. En attendant le film. Oui, le film qui apparemment est complètement décorrélé de la série. Oui, mais en fait, ils ont réussi à mixer, j'ai l'impression, le Karate Kid avec Jaden Smith et le Karate Kid avec... Ouais. Avec Ralph Macchio, ouais. Ouais, et je me demande ce que ça a donné. Ça sent un peu du fion. Voilà. C'est ce que je pense aussi. Mais bon, la série, je donnais pas cher de la série au départ. En fait, j'ai passé un très bon moment avec. Alors bon, ouais. Finalement. Après, et puis, comme on dit, hein, tant qu'on n'a pas vu... Voilà. Si, en fait, on peut. Oui, il y a des fois, mais... Je ne suis pas obligé de goûter la merde pour savoir que c'est de la merde, quoi. Il y a des boîtiers, des jaquettes ou des concepts qui parlent pour eux. C'est vrai quand même. Mais bon, on pourra peut-être, s'il passe en vidéo, je lui laisserai peut-être sa chance, histoire de jeter un œil. Oui, il y a des chances qu'à un moment, jette un œil à ça. De toute façon, je vais pas le redire, mais vu le tas de merde que j'ai, je suis pas à ça près. J'en ai tellement à voir, purée. Et une seule aussi, vie. Tu regardes, j'en ai un peu là au-dessus, en attente encore. Il y en a 60, je crois. Oh la vache. Et peut-être que dans les 60, il y en a 5 ou 10 qui sont vraiment bons. Oh la vache. C'est déjà un bon ratio, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait pas pour l'humanité, quand même, hein. C'est ça, qu'est-ce qu'on s'enquille pour ne pas que vous les enquillez. Parce que contrairement à Jazz, on conseille pas de la merde. C'est ça, hein. Eh ben écoute, sur ce, on va se dire au revoir à tout le monde et puis on se retrouve dans 2 mois, donc début septembre, pour la reprise des deux branques et de la saison 2. Tout à fait. Voilà. Et puis il y aura sans doute un petit teaser au milieu des vacances, histoire de ne pas vous laisser trop longtemps tout seul. Bah oui, quand même, un monde sans nous, c'est quand même triste. Et tout est dépeuplé. C'est ça. Tout à fait. Bon bah écoutez, hein, on va se dire au revoir et puis à dans 2 mois donc. Salut à tous. Salut, à dans 2 mois. Ah oui, attends, avant qu'on se sépare, pensez à vous abonner au flux, même si on n'est pas là pendant 2 mois, vous pouvez rattraper les anciens et continuer à suivre Galaxy Pop, toujours, la gazette et le reste. Allez, c'est à soi, salut à tous. Salut. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.